J'avais un fils, un drôle de fils, dans une vie, une autre vie bizarre et décousue, comme le temps perdu à se chercher des mots qui changeraient la vie, qui vous foutraient des rides jusque au fond du cœur, histoire de pouvoir dire je crois avoir vécu. J'avais un fils, un drôle de fils, dans un jardin, un grand jardin immense et trop petit pour qu'il vive sa vie en s'inventant des jeux, des bonheurs, des soupirs qui gonfleraient ses joues, sa mémoire et son cœur, histoire de dire un jour j'étais enfant heureux. J'avais un fils qui, je crois bien, te ressemblait, jusque dans ses sanglots, ses angoisses et ses mots. Il avait tout de toi, tout ce qui vit en moi. J'avais un fils, un drôle de fils, un peu du sang, de notre sang avare et bagarreur, avec au fond du cœur des larmes plein les yeux, pour se faire pardonner les roses arrachées que tu avais plantées au pied de ce sapin qui poussait avec lui. J'avais un fils, un drôle de fils, un peu de moi, beaucoup de toi, quelquefois. Musicien et quelquefois poète, ne voulant rien savoir, n'en faisant qu'à sa tête, qui volait de l'argent pour te faire des cadeaux, histoire de dire tout haut ce qu'il pensait de toi. J'avais un fils qui, je crois bien, te ressemblait, jusque dans ses délires, ses regrets, ses soupirs. Il avait tout de toi, tout ce qui vit en moi. Thank you. j'aurai un fils, un drôle de fils, dans une vie, une autre vie bizarre et décousu comme le temps perdu que nous rattraperons et que nous garderons comme on garde l'espoir, histoire de dire un jour le voilà notre amour. Il est né de ce jour.